pour la fin de cette première série de 13 chansons, je vais vous en interpréter une sur ma biographie qui s'intitule « Le moins possible ». De tout petit, je n'ai jamais travaillé. Mauvais élève, je pensais qu'à m'amuser. Surtout quand venait l'heure de la récré. Le temps passé, j'étais souvent constipé. De tout petit, je chantais ce refrain comme ça. Oh, je m'en souviens très bien. Que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, vouloir me faire travailler. Oh maman, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, de mal à récré pour m'amuser. Au lycée, les profs m'avaient catalogué. Je n'étais pas fait pour travailler. J'ai pu quand même apprendre un métier, celui d'horloger pour voir le temps passer. Plus grand, je chantais encore ce refrain qui me tient tant à cœur. Que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde vouloir me faire travailler. Que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde le mal les week-ends pour me reposer. Les week-ends passent comme un éclair. La foudre devrait tomber sur l'atelier. Il devrait avoir davantage de jours fériés. Aussi, j'avance les heures pour moins travailler. Pas bête, franchement, avancer les heures pour moins travailler, il faut y aller penser. Que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde vouloir me faire travailler. Que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde les vacances pour me reposer. Le travail est pénible et laborieux. Rester toujours assis, j'en ai mal aux zizi, le pauvre. Vivement la retraite, j'en profiterai. Un très bon matelas, oui, je m'achèterai. Et bien sûr, toujours ce refrain si réconfortant, si reposant. Que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde vouloir me faire travailler. Que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde, que ça m'emmerde le mal à la retraite pour me reposer. La retraite est enfin arrivée, j'y crois pas. Très souvent couché, je me mets à penser que si, soi-disant, le travail, c'est la santé, je vous assure que rien faire, c'est l'apprécier. Maintenant, vous connaissez par cœur ce refrain. Allons, chantons-le ensemble à queue. Que je serai content, je serai content, je serai content, je serai content, que je serai content de vouloir me remettre à travailler. Je serai content, je serai content, je serai content, je serai content, je serai content de ne pas vouloir en profiter.